envie de me prendre la tête. Car en ce moment, je veux pas me clasher, je veux me lâcher. Autour de moi, tout crame, et qui sait qu'on blâme, on le sait déjà. Et pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie de bouger et de rimer. Plutôt que de voir des queues m'écrever. Yeah, j'ai mes propres appuis, même avec un cahier, un mic et un simple ordi. Je peux te faire une tuerie, car je suis un puriste. Laxiste ou pas laxiste, là je suis laxiste. Ah, car souvent dans mes songes, je encore plus foutre le daroi. Dans ce son, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pas besoin de faire une enquête. Je m'en bats les couilles de rapper comme un poète au style Easy E, parce que je peux faire les deux. Dans ce son, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pas besoin de faire une enquête. M'en bats les couilles de rapper comme un poète au style Easy E, car c'est parce que je peux faire les deux. Dans ce son, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pas besoin de faire une enquête. M'en bats les couilles de rapper comme un poète au style Easy E, parce que je peux faire les deux. Me lève dans ma sopla sans blabla pour éviter les gros cons qui cherchent la baston. Ça tourne pas rond, mais bon, un jour j'ai entendu ça, un jour meilleur viendra. Ah, mais quand il se met ce point traquant, on dirait que ça appartient aux habitants des villes comme Caen. Heureusement qu'il y a le beurre, mais pas que ça, je suis aussi un sportif, tif, coupé ou pas. Je sais pas qui marchera sur mes pas, je suis encore genou comme certains qui m'écoutent, gros. Ça me fait chier quand même de me prendre la 2D pour des petits cons qui cherchent la base. Donc vraiment des balles trinques, c'est là vraiment des cas. Mais sérieux, là j'ai pas envie de me prendre la tête avec tous ces faux MC qui font mal à la tête. Je le guette, me dis pas t'arrêtes parce que je te craque comme une arête. Avec mes lyrics bien sûr, pas envie de me salir les mains. Pour info numéro 1, écoute mes punchlines parce qu'on peut ou pas les trouver online. Pas envie de dans ce son, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pas besoin de faire une enquête. M'en bats les couilles de rapper comme un poète ou style Easy E, parce que je peux faire les deux. Dans ce son, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pas besoin de faire une enquête. M'en bats les couilles de rapper comme un poète ou style Easy E, parce que je peux faire les deux. Dans ce son, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pas besoin de faire une enquête. M'en bats les couilles de rapper comme un poète ou style Easy E, parce que je peux faire les deux. Dans ce son, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pas besoin de faire une enquête. M'en bats les couilles de rapper comme un poète ou style Easy E, parce que je peux faire les deux. DJ ALX, c'est un rappeur hybride. J'ai pas oublié quand j'ai commencé à rapper avec les autres de ce fameux atelier. RIP, voilà où j'étais. RAP, voilà ce que je fais.